barazki edo fruituen xurikiak, arroltze kuskuak, kafe ondarkina, kompostagailuan sartzen dira hauek denak, zabor organikoak deitzen dira urte hastapenetik AJEK legeak, hauen bereizteko aterabideak proposatzera behartzen ditu kolektibitateak. Hala ere, gure lurraldean bereizketa gestu hori edatua dela errandigu Biltagarbi sindikatuko lehendakari ordea den Maitena Kurutsetek. 46% des foyers sont équipés en composteur individuel, on veut aller jusqu'à 51% et ça représente sur 3 ans 5000 composteurs en plus. Ça c'est pour l'habitat pavillonnaire. Kompostagailu kolektiboentzat gaur egun 130 gune dira auzo eta bizitegi kolektiboetan, 1000 izango direla espero dute hemendik bi urtera Martin Bizota Biltagarbiko lehendakaria. Je fais un appel vibrant aux bailleurs sociaux et aux syndics de copropriété pour qu'ils sensibilisent les habitants de ces immeubles pour avoir un composteur en pied d'immeuble. Nous, on se charge de donner un composteur gratuit. Hastapen batean beraz, ez da etxe-etxeko bilketarik aurre ikusten, berina edo kartoinarekin egiten den bezala, eta ego Euskal Herrian edatua den bezala. Biltagarbi sindikatua ez da prest, Jean-Yves Bussiron elkargoko lehendakari ordearen erranetan. Ça ne sera pas pour tout de suite. Va falloir prévoir des bacs individuels, pratiquement 30 000, il faut des biosos, il faut des abri-bacs, et il va falloir bien sûr investir en camion pour aller chercher cette collecte-là. On l'envisage pour 2025. An artean, doainik eskuragarri duzue kompostagailu bat biltagarbi.fr webgunean.